Potager Confiné, une émission pour en savoir plus sur nos fruits et légumes préférés, de la graine jusqu'à la récolte. Bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique du Bon Potager Confiné. Aujourd'hui, pour cette première chronique, nous allons parler de la carotte. Nous verrons les origines de la culture de la carotte, la façon de cultiver les carottes et enfin comment faire ses semences de carottes pour être autonome. La carotte ou Docus carota fait partie de la famille des Apiacées, autrefois appelée les ombellifères, car les fleurs sont en forme d'ombelle. Cette famille regroupe entre autres les carottes, le fenouil, le céleri, le pané, la coriandre, la nette et le persil. Maintenant, nous allons évoquer les origines de la culture de la carotte. Nos carottes cultivées proviennent d'Iran et de Syrie. On a retrouvé là-bas des dessins des années 500 qui montraient qu'on y cultivait la carotte. La carotte n'arriva en Europe que dans les années 1000, mais c'est vers les années 1500 que la carotte se cultive plus largement dans toute l'Europe et vers les années 1700 qu'on cultive la carotte qu'on connaît maintenant grâce aux maraîchers hollandais qui ont fait beaucoup de croisements et d'hybridation pour arriver aux carottes qu'on connaît aujourd'hui. Pour pouvoir cultiver des carottes toute l'année, on va les différencier deux types de carottes, c'est-à-dire on va les classer avec d'un côté les carottes primeurs et de l'autre les carottes dites de conservation. Les carottes primeurs, on peut les semer en février-mars sous abri ou dans une serre ou dehors, mais si vraiment le climat le permet. Mais en général, on va plutôt les semer d'avril à juillet. Ce sont les carottes qu'on va récolter et consommer immédiatement, on ne pourra pas les conserver. Donc voilà, on va les récolter au fur et à mesure de nos besoins, mais voilà, on ne pourra pas les conserver. Alors que les carottes de conservation, on va plutôt les semer à partir du mois de juin-juillet, et celles-là on va pouvoir les manger aussi immédiatement bien sûr, mais si on souhaite, on pourra les conserver et donc les consommer tout l'hiver. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, maintenant comment semer des carottes? Alors déjà il faut vous procurer des graines de carottes, donc pour la première fois vous pouvez les acheter. On verra après sinon comment faire ses semences tout seul, comme un grand et gratos. Donc le semis de la carotte, les carottes ça pousse dans des sols bien meubles, très fins. Voilà par exemple des terres sableuses où vous pouvez utiliser du compost bien mûr. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de très fin, de très, très meuble. Donc vous creusez des sillons de 0,5 cm de profondeur que vous pouvez tasser légèrement. Vous allez semer toute une ligne de carottes, toute une ligne de petites graines de carottes. Remettre ensuite un terreau très léger, humidifié, et vous pouvez aussi mettre un très léger paillage, pas trop, il faut quand même que la carotte puisse lever sans trop d'encombre. Ces lignes de carottes, si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez les espacer de 5-10 cm en principe. On dit qu'il faut les espacer de beaucoup plus, mais ça c'est pour les gens qui veulent vraiment désherber tout ça. Avec un paillage, vous n'aurez pas trop besoin de désherber. Quand les pousses feront environ 5 cm, vous allez pouvoir éclaircir pour ne laisser qu'un plant tous les 5 cm. C'est-à-dire que vous allez arracher les plants qui sont trop proches les uns des autres pour que la carotte puisse se développer correctement. Donc voilà, vous allez laisser un plant tous les 5 cm. Et les carottes que vous aurez éclaircies, c'est-à-dire que vous aurez arrachées, vous pouvez les replanter quelque part dans le jardin ou les manger. J'ai dit qu'il était préférable d'avoir un sol fin, mais il existe des variétés adaptées à des sols lourds. Sols lourds, c'est-à-dire les sols argileux, les sols collants. C'est le cas de la carotte de Colmar à cœur rouge, la chantenay, la demi-longue de d'Anvers, la géante rouge ou la curoda longue. Celles-là sont adaptées à des sols lourds. Si vous n'arrivez pas à vous procurer ce genre de semences, vous pouvez quand même cultiver les carottes, même si vous avez un sol lourd, dégueulasse, en ne cultivant tout simplement pas dans ce sol. Vous allez pouvoir faire des bacs, comme des potagers surélevés, avec de la terre dedans, et ça fera totalement l'affaire. Avec du coup, vous pouvez mettre la terre que vous voulez, faire un mélange avec du sable, voilà. Avant le semis de carottes, vous pouvez cultiver des fèves, des laitues ou des choux. Par exemple, vous allez planter les fèves en février, vont produire, et arriver au mois de juin-juillet, vous allez coucher les fèves et faire votre semis de carottes de conservation. Alors, en ce qui concerne les semences, donc les carottes de conservation qu'on va semer juin-juillet, vous avez la Autumn King, la Flaky's Long Red Giant, la Gnif ou Gnif, la Jaune de Doubs, la carotte nantaise bien connue, la Rodelica, la Saint-Valéry ou la Rothschild. Ça s'écrit comme Rothschild, mais sans le CH. Quand l'hiver est doux, on peut laisser les carottes au jardin, donc les carottes de conservation. Voilà, c'est une bonne méthode de les conserver. Vous les laissez dans le sol, vous y touchez pas, et vous venez les sortir que quand vous avez besoin de faire une purée, de faire une soupe, de faire ce que vous voulez. Par contre, si l'hiver est rude, on va couper les fans des carottes, on va couvrir avec du paillage et on va les sortir en fonction des besoins. Si l'hiver est vraiment froid et humide, il y a un risque que ça pourrisse, ou si vous avez des problèmes de campagnole dans votre jardin, histoire de ne pas vous faire manger les carottes, vous allez les sortir, vous allez couper les fans, vous allez les nettoyer et les ranger dans une cagette avec de la paille ou du sable et les stocker dans votre cave. Ça permet de stocker les carottes une bonne partie de l'hiver. On peut conserver longuement que les carottes qui sont grosses et qui ne sont pas abîmées par contre. Pour la carotte primeur, donc celle qu'on sème de mars à juillet, c'est donc le moment. Si vous souhaitez cultiver des carottes primeurs, on va privilégier des variétés de carottes donc précoces. Donc vous avez la Amsterdam, la demi-longue de Luc, la Marché de Paris, la Rouge 100, la Thumbelina, la carotte de Guérande, la demi-longue de 40 ans par exemple. Après la culture des carottes primeurs, on peut utiliser l'emplacement qui sera libre pour cultiver des choux, des laitues ou des poireaux par exemple. Si vous voulez être autonome en carottes pour une famille de 4 personnes, pour les carottes primeurs, il vous faudra 5 cm, c'est-à-dire l'espace pour faire 3 rangs, sur 6 mètres de long. Et pour les carottes de conservation, par contre, il vous faudra beaucoup plus de terrain, il vous faudra 20 mètres si vous souhaitez faire 3 rangs. Voilà, à peu près. Et là, vous serez autonome à l'année en carottes. Si vous voulez pas du tout vous casser la tête avec ces histoires de sillons, de lignes, machin, vous pouvez carrément semer des carottes à la volée, sans faire de sillons, sans éclaircir, sans vous embêter. C'est juste que vous aurez des plus petites carottes parce qu'elles auront sûrement eu moins d'espace pour se développer. Dans les carottes, les fans se mangent. On peut par exemple faire des soupes, des pestos. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est quand vous mangez vos carottes, vous gardez juste la tête de la carotte, qu'en principe on coupe, qu'on ne consomme pas, vous la replantez dans le sol, et vous verrez que les fans de carottes vont repousser. Vous pourrez manger vos fans. C'est aussi une bonne technique pour faire ses semences. Donc on vient au dernier point de la carotte, faire ses semences. Donc pour parler des semences de la carotte, il faut se pencher sur le cycle de la carotte. Donc la carotte, c'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle accomplit son cycle de vie en 2 années. Donc la première année, elle va faire ses racines, une tige avec des feuilles, puis vers l'hiver, elle va rentrer en dormance. Puis au printemps, été suivant, la tige de la plante va de nouveau croître et la plante va monter en graines. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va produire des fruits et des graines. Puis la plante va mourir. Elle aura fait son cycle en 2 ans. Donc si on sème une carotte au printemps, elle va pousser en faisant des feuilles qu'elle va perdre l'hiver, etc. Comme je viens de dire, au printemps, elle va refaire des feuilles et monter en fleurs durant l'été. La fleur va sécher en fin d'été. Et c'est là qu'on pourra récolter les graines qu'elle contient à partir du mois de septembre, à peu près. Donc, si vous voulez produire vos propres semences de carottes directement cette année, là, sans attendre que les carottes que vous allez semer au printemps fassent tout leur cycle sur 2 ans, eh bien, vous pouvez tout simplement prendre une carotte, la planter dans le sol au printemps, mars-avril à peu près, pour qu'elle monte en fleurs durant l'été. Et ensuite, vous pourrez récolter les graines en septembre ou en octobre. Attention à ne laisser monter en fleurs qu'une seule variété de carotte pour éviter les pollinisations croisées. Parce que sinon, vous allez obtenir des graines qui produiront des carottes qui seront un mix de plusieurs variétés de carottes en fait. Ce qui peut être intéressant pour avoir des carottes un petit peu multicolores. Si vous avez des blanches et des rouges, ça vous fera un espèce de mix. Mais voilà, le mieux, c'est de planter une seule variété et d'en planter minimum 15 pour avoir une bonne pollinisation. C'est-à-dire que c'est les insectes pollinisateurs qui vont un petit peu mélanger tout ça et faire que vous aurez des graines. Vous pouvez les planter assez serrées et il va falloir tutorer les fleurs parce que ça va monter assez haut. Quand la carotte monte en fleurs, elle va attirer et nourrir une énorme quantité d'insectes. Mais attention, les insectes peuvent hybrider vos carottes avec d'autres carottes, par exemple celle de votre voisin ou d'un maraîcher qui a pas loin de chez vous, et ça dans un rayon d'un kilomètre. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est bien d'avoir des haies de fleurs, d'arbres, d'arbustes qui entourent le jardin. Ça permet de barrer la route aux insectes pollinisateurs et d'éviter qu'ils aillent un petit peu partout. Sans parler du fait qu'une haie protège votre culture des vents bon, ça c'est une autre, c'est un autre sujet. On peut aussi laisser planter des carottes en pleine terre sans rien faire, et puis attendre l'année d'après qu'elles montent en fleurs. Comme ça, on n'a vraiment rien à faire. Mais il y a quand même le risque, comme j'ai évoqué plus tôt, que vos carottes pourrissent pendant l'hiver ou que vous vous les fassiez manger par des rongeurs tels que Pierre Lapin ou encore Pierre Lapin 2. En plus d'attirer de nombreux insectes pollinisateurs qui sont attirés par la fleur de la carotte, le feuillage des carottes est très apprécié par la chenille d'un très joli papillon qui s'appelle le macaon. C'est un papillon protégé et très utile, c'est un papillon pollinisateur, voilà, qui est très utile à avoir dans vos jardins. En plus des rongeurs et des limaces qui pourraient en vouloir à vos carottes, il y a également la mouche de la carotte qui peut être un problème. Donc le mieux pour éviter ça, c'est de faire un maximum de polyculture avec un tas de plantes aromatiques autour pour déstabiliser ces insectes qui en fait se repèrent à l'odeur. Et voilà, planter des légumes de la famille des apiacées comme le poireau, l'ail, l'oignon, la ciboulette, les échalotes, ça éloigne ces mouches. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la carotte. Cette chronique touche donc à sa fin. N'hésitez pas, si vous êtes comme moi fan de carottes, à m'envoyer vos plus belles photos de carottes. Ça me fera vraiment très plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour une autre chronique du bon potager confiné. À bientôt !